Alors là, je viens d'arriver sur la manif de Rouen. Il y a déjà pas mal de monde qui se réunit. Et je vois des jolis panneaux Art en Lutte que j'avais pas repérés avant. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom ? Vanessa. Salut Vanessa. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Art en Lutte ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, un collectif d'artistes, en fait. On est plusieurs, là. Et il y a eu un collectif Art en Lutte qui s'est créé sur Paris. Ouais, Art en Grève à Paris, je crois. Art en Grève, Art en Lutte, enfin voilà. Et Alissa qui est là, qui est à moitié sur Paris et moitié sur Rouen. On essaye avec elle d'emmener ça ici, quoi. Okay. Voilà. Et donc là, on vend des autocollants pour la caisse de grève. Très bien. Des autocollants qui ont été faits par des graphistes. Et ça marche pas mal, ça marche pas mal. Bah, faut dire qu'ils sont chouettes. Hein. Ouais, c'est très chouette. Et voilà, donc tout ça sera reversé à la caisse de grève, évidemment. Okay. Mais donc Art en Lutte, ils font y a de la musique, des graphistes, tout un tas d'actions pour apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Parce que les artistes, on est aussi des précaires. Hein. Faut pas, toi, tu fais quoi ? Moi, je suis peintre. T'es peintre ? Okay. Voilà. Et t'es millionnaire, non ? Ouais, bah tu évidemment. Tu vends des toiles à 5 millions d'euros. What, 1000 dollars ? Non. Ouais, non, évidemment, on est très précaire. Bon, c'est bien connu. Hein, à moins d'être, je sais pas, Johnny Hallyday ou je sais pas quoi. C'est pas. Ou Picasso. Ou Jeff Koons. Ou Jeff Koons, ouais, bon. Après, il faut savoir ce qu'est de l'art aussi. Hein, ouais, tout à fait. Le marché de l'art, je crois, le comprend plus trop. Ouais, non. Bah, et puis bon, il y a des intérêts en jeu qui sont. Salut. Ah oui. Et donc. Et voilà, quoi. Bon, on fait notre part. Okay. On essaye. Mais ça marche pas mal, vraiment, on est content. Et c'est pour quelle radio ? Alors c'est pour A Centrale, j'ai mis ça dans mon dos, j'ai plus de flyer. Tu vois, c'est un collectif de radio associative, radio, qui participe à la grève. Donc on n'est pas là pour couvrir du dessus la lutte, mais non. On est là pour l'accompagner et l'amplifier comme on peut avec nos outils. Génial. Voilà. Mais continuez. Bonjour. Bonjour. Ils sont chouettes ces autocollants. Bah écoute, tiens, je te mets déjà 5 euros. Et ben c'est, merci, tu c'est en super. Deux avec tu, ça peux, mais, tu peux en prendre autant que tu veux. Oh bah je peux en prendre deux. Tu distribues, t'en donnes, tu fais venir, voilà. C'est le contrat. N'hésitez pas à en prendre autant que vous voulez, à les distribuer, y a aucun problème. Le collectif qui fait ça, c'est The Chemeuse Gohan, mais il y en a d'autres. C'est reversé à quelle case de grève, du coup ? Eh ben, pour le moment, on va voir. Je pense que moi, je suis une ancienne enseignante, donc j'ai plus de liens facilement avec Solidaire et tout ça, puisque je les connais. Mais on va voir parce que ça se vote en AG, normalement. Même si on est très peu, ça se vote en AG. Mais comme c'est la première et pour Art en Grève Rouen, ouais. Enfin, deuxième, un et demi. voilà. On attend encore de recruter suffisamment de monde pour décider de ça. On voudrait des musiciens, on passe un message, on voudrait des musiciens, on voudrait des chanteurs, parce qu'on a plein de... Des comédiens. Voilà, mais c'est vrai que musiciens... Spectacle vivant. Spectacle vivant, ça nous aiderait, mais surtout, même des chanteurs, des chanteuses, parce que on a plein de choses à faire passer. Un groupe de chorale féministe, par exemple, ça serait pas mal pour se placer devant nos chers agents de police, par exemple. On a déjà les chansons, on a déjà les partitions, il suffit de nous rejoindre. La page Facebook Art en Grève Rouen, venez les artistes. D'autres peintres, d'autres graphistes, des idées brillantes, tout, on prend tout. Merci. Merci. Donc on rappelle que pour cette manifestation, l'œuvre des cortèges devant CGC, puis Force ouvrière, puis FSU, puis Gilets jaunes, puis Avocats, puis Solidaires, enfin CGT. Ouais, à part ça, le mouvement s'essouffle, quoi. Il y a tous les syndicats quasiment. Comme des cons, les accrues. Pardon. Salut. Ça va? Ça va et toi? J'ai l'impression que les sonos sont plus offensifs que d'habitude dans le choix musical. Plus vous faites l'inverse, plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se repeller, vous disposez d'une armée plus bien pressée et scellée. Bonjour. Ça y est, la chapelle d'Arblay est en train de tapisser de papier les rues de Rouen. Alors, je suis désolé, je vous entends très très mal. La chapelle d'Arblay, ça y est, commence à tapisser les rues de Rouen de papier recyclé. Alors ça oui, on continuera toujours à démontrer à quoi va ressembler Rouen quand la chapelle d'Arblay aura disparu et il ne recyclera plus le papier en France. Oui. Parce qu'on rappelle qu'il y a un plan de licenciement massif sur votre usine. Oui, un plan de licenciement massif, une fermeture de site ou une mise en vente, oui. Et ça correspondra à 236 salariés qui seront licenciés, 236 familles. Donc là, un des modes d'action dans les manifs, c'est de mettre plein de papiers, soit en rouleau, soit en confetti, par terre dans les rues. Oui, oui, on balance un petit peu de rognure dans la rue, un petit peu pour interpeller les gens, leur montrer à quoi ça ressemble. Parce que pour eux, c'est peut-être pas encore assez concret que leurs poubelles jaunes bientôt vont déborder et seront brûlées. Donc on vient se démontrer, on s'inscrira toujours de toute façon dans les manifestations et l'appel de la Confédération CGT. Là, c'est très important ce qui se passe, il ne faut pas dissocier tous les conflits, mais on en profite pour redécorer un petit peu, c'est important. Merci, je vous laisse remettre vos bouchons d'oreille. Merci. Ah, je vois un monsieur avec un panneau, les forces de l'ordre mutilent nos vies gratuitement, en toute impunité, point d'interrogation. Oui, absolument, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes hein, qui ont des yeux éborgnés, des mains arrachées, et voilà, et je pense qu'il faut que ça cesse. Hein. Beaucoup de gilets jaunes qui ont été éborgnés ou ont eu des mains arrachées n'étaient pas violents. Hein. C'est une répression incroyable. Hein. Sur Street Press, là, il vient d'y avoir un article sur un week-end autour des mutilés, avec des personnes, des gilets jaunes mutilés dans les manifestations, qui agissent ensemble, quoi, et qui parlent de la précarité. C'est pas seulement une blessure physique, c'est une blessure psychologique. Et puis, c'est une blessure à vie, ouais. Absolument, psychologiquement et physiquement, c'est une blessure à vie. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucune indemnité de versée par l'État hein, pour tous ces gens qui ont eu leur vie volée. Hein, moi, c'est ce que j'appelle une vie volée. Voilà. Et on s'aperçoit bien que les forces de l'ordre tapent sans regarder qui ils tapent. Hein, c'est-à-dire des femmes de tout âge, des hommes de tout âge, ils gazent. Et voilà. Et tout ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Votre prénom, c'est quoi ? Daniel. Merci, Daniel. Merci à vous. Et juste derrière les gilets jaunes, avec une sorte de raccourci étonnant, arrive le barreau de Rouen. Bonjour. Bonjour. Le barreau de Rouen est dans la rue, après avoir posé les robes sur les grilles dans une action très visible lundi dernier, je crois. Oui, c'était lundi, oui, à Rouen, ouais. Okay. Alors pourquoi êtes-vous dans la rue ici aujourd'hui ? Eh ben, on continue le mouvement de grève. Ça fait une dizaine de jours maintenant que la grève a été votée à une large majorité, donc dans le barreau de Rouen, comme dans la plupart des barreaux en France. Et pour l'instant, bah, y a rien de changé pour nous, puisque de toute façon, je crois qu'on a eu des nouvelles de la ministre, là, mais qui nous dit qu'on va garder une autonomie de notre régime, mais on va garder le boulot, mais sinon la réforme va s'appliquer, donc ça ne change rien pour nous. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous avec cette réforme ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement avec cette réforme ? Bah, très concrètement, une hausse sensible des cotisations, qui est terrible en fait, qui moi concrètement va m'amener à arrêter la profession. D'accord. Ni plus ni moins. Donc c'est inacceptable, c'est juste inacceptable. Et là actuellement, du coup, le tribunal de justice de Rouen peut fonctionner normalement là ces jours-ci ? Non, il y a des renvois dans tous les dossiers, il y a une grève qui dure. On ne prend pas les audiences, on ferme les cabinets, pour la plupart en tout cas. Et donc moi ça m'amène à repousser les rendez-vous, à différer tout un tas de choses. Donc pour l'instant c'est très dur pour nous, mais je crois qu'il y a une assez grande détermination. Votre prénom c'est quoi ? Thierry. Merci. Beau cortège d'avocates et d'avocats. De la SNESUP FSU. Vous êtes. C'est les bombes des cheminots et des cheminotes qui nous surprennent toujours un peu. Vous êtes enseignante à la fac ? Oui, je suis enseignante à l'université. Ok, à laquelle ? Ah bah à l'université de Rouen, oui. Okay. À Mont-Saint-Aignan ou à. Au Madriège en informatique. Okay. Et donc vous tenez la banderole aujourd'hui de l'université ? Oui. Pourquoi est-ce que vous marchez dans la rue aujourd'hui ? On est tous mobilisés contre la réforme des retraites, qui va impacter tout le monde, je pense, mais très très fortement tous les fonctionnaires, en particulier les enseignants, enseignants-chercheurs. Donc on se mobilise pour demander le retrait de la réforme. Vous avez le temps de faire de la recherche aujourd'hui ? Entre deux dossiers pour demander des financements ? On essaye. Pas très évident. On essaye de faire de la recherche, mais... C'est compliqué, oui. On est en permanence sollicité pour faire des dossiers, pour demander des financements. De plus en plus sur les tâches administratives, on a de moins en moins d'aide autour. Il faut qu'on fasse de plus en plus de choses nous-mêmes. On a de moins en moins de personnes pour enseigner. Il faut trouver des vacataires, mais c'est à nous de faire le boulot, quoi. Donc il faut aller chercher des vacataires. Ça nous prend du temps. Après, quand on a des vacataires, il faut les former pour enseigner. Ça nous reprend du temps. Finalement, pour nous, ce serait beaucoup plus simple de faire plein d'heures sup et de le faire nous-mêmes, parce que ce temps-là, on le perd. Quand on a formé quelqu'un et que l'année prochaine d'après, il n'est pas là, et ben, on a perdu du temps. Et il faut recommencer l'année d'après. On nous propose de plus en plus d'emplois précaires à l'université. Là, on vient d'avoir des informations sur les postes d'ATER, qui sont des postes après thèse. Qui sont des postes où on paye l'enseignement et la recherche pour des jeunes docteurs. Et là, on vient d'avoir un courrier du président nous disant à la place des ATER, on vous propose des athènes pour les docteurs, c'est-à-dire vous payez que l'enseignement et pas payer la recherche. Ah d'accord. C'est... Ok, encore un progrès. Voilà, c'est de pire en pire. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Votre prénom, c'est quoi ? Magali. Merci Magali, bonne manif. Ça doit pas être très évident de faire des kilomètres. Non, mais c'est très très bon pour la rééducation. Super. Voilà, il faut le prendre comme ça. Et la motivation, elle est là parce que c'est important de se battre pour la retraite. Moi, du coup, je la vois s'éloigner. C'est pas juste non plus. Voilà, donc pour tous ceux qui peuvent pas la faire, j'y suis. Vous faites quel métier ? Vous êtes là pour défendre ? Je suis bibliothécaire universitaire. Universitaire, ok. Ouais. Tous les métiers sont concernés. Et je le fais aussi pour mes jeunes qui ne peuvent pas manifester.